Paris venait à la fête du plus riche au calamiteux. Des idées roulant dans la tête, la chansonnette, on l'a mangé des yeux. Je rêvais de mille planètes et de conquêtes, moi pauvre gueux. Quand Marie entrait dans la danse et choisissait le bienheureux, celui-là avait de la chance et l'insolence d'un demi-dieu. Mais il faut dire que la chance n'était pas de mon côté, et même mon existence, Marie a dû l'ignorer. Elle était fille à calèche, c'était un morceau de roi. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pour les poètes qui n'ont pas le choix. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pour les poètes qui n'ont pas le choix. Puis un jour, à sa loterie, elle a décroché le gros lot, sur quel doigt profiter de la vie et de ses folies dans son Eldorado. Aujourd'hui, Marie, quand j'y pense, ça recommence, j'ai le cœur gros. J'aurais voulu faire sur la mousse un palais plus doux que le miel, et en buvant l'eau de sa source, finir ma course au septième ciel. Mais il faut dire que la chance n'était pas de mon côté, et même mon existence, Marie a dû l'ignorer. Elle était fille à calèche, c'était un morceau de roi. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pour les poètes qui n'ont pas le choix. Vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pour les poètes qui n'ont pas le choix.